raison, j'ai raison. Mais toi tu parles beaucoup là. Pourquoi tu parles comme ça? Ce n'est pas parler n'importe comment. Parce qu'on m'a vendu le parcel et que tu m'as promis que tu vas gagner le procès. Il faut demander Guillaume. C'est lui qui a cette voiture pour amener Cola. Toto Guillaume n'a pas de problème. Mais comment ça? Toto Sergio, on a mis ma femme dehors. Mets ta poisson dehors. Ah petit repas. Vraiment je pleure hein. C'est de malheur. Let me. Europe du côté de Château Rouge. Allez-y. Bye. kiye na mwache Bika keto la mounou Sokyo lu kiye na mwache Awi yo longo ba eh Tonto Sam Mojo alam du pati alo kwa mote tambi Si alam kwa masana yo kwa kwa basi na bako Ayi na fu ha Osoko dwi na Bika keto la mounou Sokyo lu kiye na mwache Gaketo na munu sokyo lukie na uyamabi Gaketo na munu sokyo lukie na mufashe Hey toi là, goyo goyo là Toi tu contentes de s'amuser avec les femmes des autres Un jour, on va mourir toi d'un pays là Attention sinon y'a quoi Yeah!

Kissy, c'est Ifi. Personne, Diakité. Jackson, à Lyon. Henri, VH, électronique. Papa, mama, non, mama, papa. Afo, monga, misa, pia, cool, musique, elope. Doré, mi, fa, sol, la, non, si, fa, mi. Tope, wane, mon concertera, tope, jeune premier. Wouh! Correction, correction. Docteur Olela. Wouh! Riva, Riva, vie les belles. Piano. Éveille, éveille, éveille. par terre. Ambroise Gomis, le DG. Amadou Francis Ba. Il y a aussi des hommes forts. triple A. 14, Black and White.